Jésus, je t'offrirai ma vie. À toi, Jésus, je prie jour et nuit. Je n'ai pas de bonheur plus grand que toi, mon roi. Ô Jésus, reste avec moi. Oh, Seigneur, tu es mon rocher, mon refuge, où je suis en sûreté. Du haut du ciel, tu me tends la main et me saisis. Tu me délivres de mes puissants ennemis. Tu me conduis, tu me défends, ô Seigneur tout-puissant, ma lumière, mon sauveur, protecteur de ma vie. Je chanterai toujours pour toi, éternel roi des rois, créateur de l'univers, oui, sans toi je me perds. Si mon père et ma mère m'abandonneraient, oh, toi Seigneur, tu me recueillerais. Mon Dieu, j'ai besoin de seul amour dans tes bras, dans tes bras, je dormirai en paix. J'étais jeune et me voilà vieilli, me voilà vieilli. Vivre pour toi est mon seul désir. Ô Dieu, renouvelle.